Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la famille Hart, première famille juive du pays. It is time to give out the biggest award of the night, the Hart Trophy, for the player voted most valuable to his team. The 2015 Hart Trophy goes to Carey Price. Carey Price, le gardien de but du Canadien de Montréal, qui remporte en 2015 le trophée Hart remis au joueur le plus utile à son équipe. Le trophée Hart est aujourd'hui probablement l'un des éléments les plus concrets et les plus connus de l'héritage que nous a laissé la famille Hart. Lorsque le patriarche de la famille, Aaron Hart, s'installe à Trois-Rivières, juste après la conquête britannique de 1760, il devient en quelque sorte le patriarche de la famille juive canadienne. Mais qui sont les Hart et que nous laisse-t-il en héritage? Mis à part le fameux trophée. S'il faut en croire le recensement de 1831, 107 Juifs en tout vivaient dans le Haut et le Bas-Canada il y a 131 ans. En 1851, ils étaient 354. En 1881, leur nombre monta à 2443, mais c'est surtout au début du siècle que leur nombre augmenta. Aujourd'hui, on estime que 60% des Juifs du Canada sont nés au pays. Mais si vous êtes comme moi, vous ne devez pas aimer les chiffres, et ceux que je viens de vous citer ne doivent pas vous dire grand-chose. Il y a cependant certains faits que vous devriez connaître au sujet des Juifs. Vous devriez savoir, entre autres choses, que Montréal, en plus d'être la métropole du Canada, le Paris de l'Amérique, et que sais-je encore, est un centre mondial de culture juive, et ce depuis 100 ans déjà. L'unique bibliothèque juive au monde, en dehors d'Israël, se trouve à Montréal. Les premières et les plus grandes écoles juives du monde se trouvent encore à Montréal. Les plus grandes maisons d'édition juives se trouvent ici. Nulle part dans le monde, à l'exception de New York toutefois, vous ne trouverez de quotidien juif, mais il en paraît un à Montréal. Le journaliste, éditeur et écrivain Alain Stanké qui relate dans ce billet préparé pour l'émission Métro Magazine en 1961 l'importance de la présence des Juifs dans l'histoire de Montréal, mais de fait, c'est à Trois-Rivières que s'installe le premier Juif à s'établir chez nous. Il s'agit d'Aaron Hart. Pour nous raconter l'histoire de la famille Hart, l'historien Denis Vaugeois qui a été député de Trois-Rivières à l'époque, auteur de nombreux livres, dont Les premiers Juifs d'Amérique 1760-1860, Extraordinaire histoire de la famille Hart, publiée en 2011 aux éditions Septentrion. Denis Vaugeois, bonjour. Bonjour. Monsieur Vaugeois, cette histoire d'amour que vous entretenez avec la famille Hart, ça remonte à très, très longtemps. On parle de plus de 50, presque 60 ans. Comment êtes-vous tombé amoureux? Très progressivement, hein? Oui. Parce que au départ, je connaissais rien des Juifs. Et quand je me commençais à m'intéresser à la famille Hart, c'est que j'ai été attrapé par Monsieur Tessier, qui était archiviste au séminaire, et lui qui avait sauvé de la perdition des milliers, en fait plus de 100 000 documents qui sont liés à l'histoire de la famille et des Juifs d'Amérique du Nord. Alors là, il m'avait convaincu de m'y intéresser parce qu'on s'en allait vers un anniversaire de l'arrivée des premiers Juifs. Puis il me disait, Aaron Hart, ça en est probablement un, puis tu vas avoir une bourse du Congrès juif, etc. Alors je me vois écrire à Samuel Bronfman avec l'aide de Monsieur Tessier pour demander une bourse. Oui. Puis moi, le CAV, j'avais demandé 200 $. Si vous aviez su, ou réfléchi. Mais vous voyez, j'avais pas encore beaucoup appris. Hein? Ouais. Alors donc, j'ai eu ma bourse. C'est la seule que j'ai jamais demandée dans ma vie, d'ailleurs. Parce que je trouvais ça humiliant et pénible pour pas grand-chose. Ouais. Mais je connaissais rien de la question juive. Mais c'est le début, ça. Vous découvrez donc cette famille. Je sais rien. Et j'ai appris tranquillement. Puis c'est intéressant parce que là, ça t'amène à l'histoire de la planète. Ouais. Ils sont de toutes les époques, ils sont de tous les pays. Alors, ça m'a déniaisé, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant parce que l'histoire des Hart, au fond, c'est beaucoup plus que l'histoire d'une famille. C'est l'histoire des Juifs, c'est l'histoire des Juifs du Québec. C'est l'histoire du Québec aussi. Commençons par la raconter, cette histoire, avec le patriarche lui-même, Aaron Hart. Qui est-il, Aaron Hart? Ah, mais c'est toujours comme ça en histoire. Hein? Souvent, ces gens-là, on ne sait pas grand-chose de leur origine. À la longue, j'ai fini par savoir qu'il y avait des frères à Londres. Il est probablement d'origine allemande. Ah bon? Et les Hart viennent probablement des Hart Mountain, quelque part du côté de l'Allemagne. Donc, ça confirme qu'il était probablement de tradition ashkénaze. Il est passé par Londres, mais Londres, à ce moment-là, est sous un peu la domination des Séphardiques. Donc, puis il vient en Amérique. Est-ce qu'il vient directement à New York? Je ne crois pas, mais en tout cas, il finit par arriver à New York. Et là, il sent bien ce qui se passe. Il y a la guerre donc, d'invasion du Canada. Alors, il décide finalement de suivre les armées. Il va suivre l'armée d'Amherst comme pourvoyeur. On en a fait un officier dans l'armée britannique. Il n'y a rien qu'on n'a pas raconté. Mais la vérité, c'est que... C'est un marchand. C'est un pourvoyeur, comme vous dites. Oui, oui, oui. De l'armée. Mais c'est important, vous savez. Amherst, c'est une armée de 10 000 hommes. 10 000 hommes, là, car tous les jours, ils ont des besoins, ils veulent des gâteries. Ouais. Et les officiers, les autres, ils veulent du spécial, si tu veux. Alors, lui, il est là pour ça. Il est là pour les objets de toilette, il est là pour un peu de boisson, etc. Et là, j'ai fait l'hypothèse qu'un des officiers importants de l'armée, c'est Haldimand. On dit Haldimand, là, mais Haldimand, qui est d'origine allemande, suisse-allemand. Donc, on peut les imaginer, là. Tous les deux, ils ont une connaissance d'allemand. Oui. Même s'ils sont 10 000, ils finissent par se retrouver parmi les 10 000. Ça crée une complicité. Oui, absolument. Et tant et si bien que, vous allez voir, c'est fascinant, vous me devancez. L'extrait qu'on écoute, c'est celui de René Hart, qui est un des descendants de cette famille, d'Aaron Hart, et qui parle justement de cette amitié avec ce militaire, et qui dit, selon lui en tout cas, c'est pour ça que, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi diable choisit-il Trois-Rivières? Ben, il y a un lien. Ce qui est arrivé, c'est que Aaron Hart était un ami intime du général Haldimand. Haldimand était en poste à Trois-Rivières, la garnison à Trois-Rivières. Alors, c'est probablement Haldimand qui a entraîné Aaron Hart avec lui à Trois-Rivières. Du point de vue économique, les Hart ont ouvert les portes au commerce dans le Bas-Canada, non seulement à Trois-Rivières, dans le Bas-Canada. Ils avaient différents commerces, soit dans la fourrure, les banques, différentes choses. Je crois bien que si les Hart n'avaient pas été à Trois-Rivières, Trois-Rivières ne serait probablement pas ce qu'elle est aujourd'hui. La ville ne serait pas développée. D'ailleurs, ils ont tout fait pour la développer au point de vue de terrain. Ils ont donné des terrains immenses, soit aux églises catholiques, pour faire des parcs, pour des bâtisses commerciales. Ils voulaient absolument... Naturellement, ça leur servait, ça servait leurs intérêts d'avoir des choses semblables. Ils ont voulu ouvrir la ville au commerce, ni plus ni moins. C'est fascinant parce qu'évidemment, de niveau joie, les auditeurs ne vous voient pas, mais je sens beaucoup de plaisir à vous voir écouter cet extrait. Puis un petit sourire, je ne sais pas si c'est un sourire narquois, mais en tout cas, ça vous fait sourire ce qu'on vient d'entendre. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Entre autres, je viens d'acheter une voiture neuve et puis mon vendeur, il s'appelle Hart. Ouais. Alors évidemment, j'ai eu droit lui a eu droit à toutes les questions imaginables et je pense qu'il y a des liens avec René Hart. Ben, c'est que René Hart, c'était un grand moment pour moi. Celui qu'on entendait. Oui, celui qu'on entendait parce que je rencontrais des descendants des Hart. Il y en a qui n'aimaient mieux pas en parler, mais lui avait des questions. Et puis, d'ailleurs, dans mon livre, je raconte qu'un jour, il m'amène une photocopie d'un testament holographe de Moses Hart. Et c'était un document fantastique pour moi, parce que ça m'a amené... Moses, qui est un des fils de Aaron. Oui, ça m'a amené à l'original du document en question. Mais c'est intéressant de l'entendre, René Hart, parce qu'on a beaucoup parlé ensemble. Oui. Alors là, il fait un amalgame de toutes sortes de choses. Mais c'est sympathique. Oui. Finalement, lui avait découvert ses origines. Parce que comme à peu près tous ces Hart-là, il y a un chaînon manquant dans leur généalogie. Je l'avais établi avec lui, d'ailleurs, c'est dans le livre. Et lui, il trouvait ça tellement extraordinaire, ses origines. Mais là, il était devenu Canadien français catholique, oui. Comme tous les autres. Parce qu'ils vont s'intégrer, les Hart. Absolument. À Montréal, ils deviennent anglo-protestants. À Trois-Rivières, ils deviennent franco-catholiques. Mais lui avait décidé que non, ça ne resterait pas là. Oui. Et il avait commencé un processus de conversion à la religion juive. Revenons à Aaron. Avec ce que nous disait René Hart, cette force à développement économique, il disait René Hart dans cette entrevue qui remontait à 82, Trois-Rivières ne serait pas ce qu'elle est si les Hart, ici Aaron Hart, n'avaient pas été là. Il sera riche, très, très riche, Aaron Hart. Pourquoi? Comment il fait sa fortune? Et quel impact il a sur le développement économique de Trois-Rivières, mais du Bas-Canada? Quand j'ai réalisé, d'abord, à un moment donné, j'ai réalisé parce que on a son testament et mon CRTC, justement, avait étudié deux successions, celle de Aaron Hart et celle de Noémie Montour. Et puis là, j'étais prêt avec un juif riche. Alors là, c'est un problème parce que c'est normal qu'un juif soit riche. Finalement, quand tu étudies l'histoire des juifs, tu te rends compte qu'il y en a pas mal parmi eux qui sont dans la misère. À Montréal, par exemple, c'est du petit monde, c'est des immigrants qui arrivent de façon très, très, dans des conditions très, très modestes. Alors lui, il est arrivé un peu dans ces conditions-là aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Est-ce que c'est parce qu'il était juif qu'il a fait de l'argent? Je ne voulais pas accepter une explication comme celle-là. Alors, l'explication, je l'ai trouvée progressivement. C'est qu'au moment de la conquête, puis on en parle rarement, au moment de la conquête, il y a de l'argent en circulation, de l'argent français. Les Français ne reconnaîtront pas l'argent en circulation. C'est une affaire qui va durer pendant des années et des années. Il se fait de la spéculation. Les Canadiens sont obligés de céder leur argent pour une valeur ridicule. Alors lui, il se fait attraper lui aussi au début parce qu'il en prend de l'argent comme ça, mais il se rend compte qu'il y a un doute là-dessus. Là. C'est pas certain là, que cet argent-là va être reconnu. Donc, il évite d'en accepter. Et là, par ailleurs, là, il se rend compte que les gens, en général, n'ont plus d'argent, n'ont plus de numéraire. Et lui, grâce à Haldimand ou quelqu'un d'autre, il est devenu fournisseur des armées. Et les armées, c'est les seuls qui amènent du numéraire dans la colonie. Oui. L'argent numéraire, le vrai métal, là, il rentre par l'armée. Donc, c'est les Anglais qui ne reconnaissent pas... Non, les Français. Les Français. Les Français. À côté français, là, on travaille là-dessus actuellement. Là. C'est vraiment scandaleux. Ils nous ont vraiment laissé tomber. D'accord. Ça sera un autre sujet, si vous voulez. Donc, lui, quand il y a quelque chose à vendre, une maison à vendre, il y a un encan, parce que c'est vendu parce que c'est une succession, mais encore parce que quelqu'un est pris pour des dettes. Alors là, il se présente. Il achète pour une bouchée de pain des terres, le marquisat du Sablé, là, qui est au centre de ville, il achète ça pour 21 livres sterling, pour une somme absolument ridicule. Alors, donc, il devient riche beaucoup par le fait qu'il y a la fourniture aux troupes, ça, c'est toujours, c'est toujours bon, ça. Puis, en même temps, ben, c'est autour de lui, c'est des gens qui sont démunis, dépossédés. Ouais. Et les gens ne seraient, en fait, ils sont comme résignés. Ils sont comme résignés et Hart ne fait jamais rien pour les provoquer. Hart et sa femme, là, c'est un couple exemplaire. Et donc, les gens le regardent aller, ils prêtent de l'argent aux seigneurs qui n'ont plus de revenus. Mm-hmm. Avant, il y avait des revenus de l'État, de l'armée, etc. Ils leur prêtent de l'argent en petit montant. Et puis, c'est les notaires qui enregistrent tout. Et quand le seigneur meurt, alors là, Aaron fait dire par le notaire aux héritiers qu'il devait beaucoup d'argent. Oui. Les héritiers ne veulent pas le croire, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et finalement, il leur offre un prix raisonnable pour leur seigneurie. Alors, les héritiers, ils se disent, qu'est-ce qu'on aurait fait au fond avec une seigneurie, on ne savait pas trop quoi faire. Là, on a de l'argent. Puis il va devenir lui-même seigneur, d'ailleurs, puis il va acheter des terres sur plusieurs seigneurs. Il est d'origine européenne, il a connu les misères des Juifs en Europe. Là, non seulement on ne lui fait pas de difficultés, mais il achète une petite terre, il achète une grosse terre, il achète une seigneurie, et il devient seigneur. Hein? Il y a un banc à l'église, toutes les portes lui sont ouvertes, il n'en revient pas, là, lui. Oui. Il va avoir cette idée, bien sûr, donc il construit ce petit empire, une fortune considérable, très conscient du milieu dans lequel il est aussi, puis cette idée de dynastie, il a ça en tête, qui est ambitieux, puis ben, il va avoir évidemment des fils, des filles, on va parler des fils surtout l'aîné, d'abord, Moses, quel drôle de pistolet. Oui, certain, quel drôle de pistolet, c'est sûr, mais je veux ajouter que quand il est arrivé, il était célibataire. Puis il y a quelques juifs autour de lui, comme des Judas, etc. Et là il voit qu'ici, il y a des possibilités. Puis effectivement, il y a le rêve d'une dynastie. Puis ça, il prendrait une femme. Oui. Mais des femmes, il y en a autour. Mais il veut une juive. Mm-hmm. Une juive religieuse, très, très religieuse, parce qu'il est religieux. Donc, il va la chercher en Angleterre. Il la ramène. Essayez d'imaginer là, cette pauvre Dorothée Judah qui se fait amener à Trois-Rivières en 1768, quelque chose comme ça. Mais elle se résigne que c'est une femme parfaite. Parce que pourquoi que je sais qu'elle est parfaite, c'est que j'ai eu accès à leur correspondance. Alors, ils envoient étudier leur fils à New York. Alors, elle écrit régulièrement à ses fils. Donc, je suis dans les lettres. C'est des lettres. Je rentre dans la famille. Moi, j'appartiens à la famille Hart, là, si vous voulez. Donc, ce couple-là fonde une famille exemplaire. Ouais. Et les garçons sont instruits à New York. Les filles vont aller chez Ursuline à Trois-Rivières. Ouais. Donc, Moses... Le drone de pistolet. Moses, là, c'est 18 émissions qu'il faudrait. C'est inimaginable. Ce type-là, ça se peut pas. D'abord, il fait des affaires, mais il va jamais jusqu'au bout. Non. Bon. C'est un brasseur d'affaires, hein, comme on dit. C'est un brasseur d'affaires. Mais il y a par exemple, il va devenir un rival de Molson pour la navigation, pour la bière. Mais en même temps, il passe son temps à aller à Québec, à aller à Montréal, à aller un peu partout. Et là, partout où il va, il fait des enfants. Au fond, j'ai compris à la longue que pour aller à Montréal, il faisait un arrêt à Yamachiche. Fait qu'il y a une femme qui lui fait des enfants. Il arrête à Berthier, il y a une femme qui lui fait des enfants. Il séjourne à Québec, il y a une autre femme qui lui fait des enfants. Il aura des enfants avec quoi? 12, 13 femmes, quelque chose comme ça? Beaucoup plus que ça. Plus que ça. On le sait pas. On le sait pas, mais par ses testaments, parce qu'il reconnaît ses enfants naturels dans ses testaments. Ouais. Il nomme les mères. Le deuxième fils, parce que c'est vrai que sur Moïse, on pourrait faire une série d'émissions. Les gens, quand j'en parle, les gens me disent, est-ce que c'est pour ça qu'on dit le Moïse? Ah, tiens! Mais c'est probablement pas pour ça, quand même. Le deuxième fils, Ézéchiel, lui va être important, va être historiquement important. Ouais, ouais. Il devient le premier député juif élu, non pas seulement du Canada, mais de tout l'Empire britannique. Oui, c'est ce qu'on dit. Ézéchiel, c'est tout le contraire de Moses. Il a reconnu sa femme à New York. Là encore, là, j'avais la correspondance des parents. Il dit, on pense qu'on était en amour, hein? C'est qui cette femme-là? Etc. Il voudrait savoir à quelle grande famille elle appartient. Parce que Benjamin, il lui mentera pas son coup à New York. Il va marier la plus riche héritière de New York, dit-on. Mais en tout cas, Ézéchiel, c'est une bonne femme. Donc, le couple Hart va aller au mariage à New York. Et parce que je sais que par la correspondance, encore une fois, que Mme Hart dit toujours « N'oubliez pas de saluer un tel et un tel et un tel », parce qu'ils ont des amis à New York. La communauté juive, c'est comme aujourd'hui. Hein, c'est, elle est vraiment très tournée vers New York. Donc, Ézéchiel est instruit. Il a une magnifique bibliothèque. C'est un homme très, très bien. Et quand arrive le régime politique constitutionnel, avec la constitutionnelle, les fils Hart qui ont tout, ils ont tout, même s'ils sont jeunes, ils ont accès à tout. Là, ils disent ça, c'est pour nous autres, ça, un poste comme ça. Et là, Aaron leur dit, non, touchez pas à ça. Et on peut, toutes les portes sont ouvertes. Puis ça serait aller trop loin. Ouais. Faites pas ça. Mais après sa mort, là, ils vont décider de plonger en politique. Moses, il va être élu. Moses va dire, c'est moi, l'aîné. Ouais. Mais là, les gens disent, écoute, avec le comportement que t'as, là, oublie ça, là. Hein. Ouais. Alors, Ézéchiel va être élu. La première fois, il est battu, il va se représenter, il va être élu. Et là, il s'en va à Québec pour siéger. Mais il peut pas siéger. Il va être élu deux fois. La deuxième fois, croyez-le ou non, il va réussir à s'infiltrer. Mais la cave, quand le vote se prend, il y a deux candidats à la présidence, il vote pour le candidat des Anglais. Alors la première fois, les députés, ils savaient qu'il était du parti anglais. Alors, ils l'ont éliminé sur le prétexte qu'il ne prêtait pas le serment sur la Bible. Mm-hmm. Parce que juif. Mais pour eux autres, être juif, ça ne voulait rien dire. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient même pas écrire le mot juif. Ouais. Mais il reste que là, il y a un prétexte pour l'éliminer, comme ils vont éliminer de bonne, parce qu'il est juge. Donc, il l'élimine sur un prétexte. Quand il est réélu, là, il vote avec les Anglais. Il va trop loin. Donc, il y a deux affaires là-dedans. Il y a l'aspect purement juridique, mais au fond, il y a de la politique. Hein? Quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis c'est le fait que Ézéchiel, au fond, est du mauvais bord et plutôt du côté des Anglais. Non, encore que les Trévuviens l'avaient élu, là. Ouais. 60%, les femmes votent, hein? Ouais. On dit souvent que le vote des femmes a été obtenu beaucoup plus tard. Mais dans les gens qui votent à l'élection d'Ézéchiel, aux trois élections d'Ézéchiel, il y a des femmes. Ouais. Mais il reste qu'il y a une question techniquement pour les Juifs à ce moment-là d'inéligibilité. Ça va être corrigé avec une loi importante, la loi de 1832, qui va être d'ailleurs une loi plutôt novatrice dans le Grand Empire britannique. On écoute à ce sujet Pierre Anctil qui nous en parle au micro de Jacques Lacourcière en 2003 et qui nous dit que Louis-Joseph Papineau est très favorable à cette loi de 1832. Papineau était favorable à ça parce que c'était logique de soutenir une minorité religieuse alors que les francophones eux-mêmes, catholiques, espéraient obtenir de plus grands pouvoirs. On est à la période là, de l'avant-rébellion de 1837-38. Est-ce que cette loi-là de 1832, adoptée par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, n'est pas un peu avant-gardiste dans le monde britannique? En effet, il faudra attendre une autre génération, il faudra attendre encore 25 ans pratiquement avant que la Grande-Bretagne applique les mêmes règles sur le sol britannique, c'est-à-dire dans les îles, dans le Royaume-Uni. Ici au Québec, c'est... Cette ouverture de 1832 était vraiment pas en avant, était vraiment quelque chose de très novateur à l'époque. Ah, Denis Vaugeois, on va revenir dans un instant sur l'appui de Papineau à la loi de 1832, mais en un mot, très rapidement, ça dit quoi cette loi-là? Mais jusque-là, quand les Juifs voulaient avoir un cimetière, c'est un individu parmi eux qui achetait le terrain. Il y avait une synagogue, il fallait que des individus prennent des initiatives. Comme communauté, ils n'existaient pas. Par exemple, ils ne pouvaient pas tenir de registre. Donc, c'est tout un problème quand on veut faire l'histoire de ces gens-là. Avec 1832, tout ça se règle. Ils peuvent exister comme une communauté. Et on va dire aujourd'hui une égalité de droits. Ouais. Mais ça se fait en deux temps. Il y a deux lois successives et là, on hésite. Là, on dit non. Ouais. Conseil exécutif dit non. Et les partis canadiens persistent. Ils peuvent se présenter pour revenir à Ézéchiel comme députés à partir de ce moment-là. Oui. Surtout prêter serment. Donc, Pierre Antille qui nous dit, Papineau est d'accord avec ça. Il y a une logique pour lui. Oui, alors ça, je vais faire une anecdote. En 1982, M. Lévesque, on l'avait informé de ça, ça faisait 150 ans que la loi avait été faite, fait que le Parti patriote de Papineau, c'est un peu l'ancêtre du Parti québécois. Ouais. Alors, Lévesque est sauté là-dessus, puis a dit, on va faire quelque chose. On va célébrer les 150 ans de cette loi qui a été votée par l'ancêtre du Parti québécois. La communauté juive est venue massivement souligner l'événement. Alors que la vérité, c'est que Papineau avait fait un calcul politique. Oui. Parce qu'il disait, au fond, il y a seulement l'Église anglicane ici qui a un statut officiel. Les catholiques ne sont que tolérés. Alors là, puis comme il y avait des baptistes, il y avait toutes sortes de petits groupes religieux qui voulaient avoir également des droits, alors Papineau a fait une brèche dans la position de l'Église anglicane en disant, donc on va ouvrir une brèche pour la communauté juive, puis après ça, les autres suivront. Mais ça ne veut pas dire que Papineau n'était pas près de la communauté juive, parce qu'il y a des amis juifs, des amis personnels juifs. Ouais. Le temps passe vite, on boucle déjà la boucle, on va laisser tomber quelques descendants, parce qu'il y en a trop de cette famille des Hart, mais revenons quand même à ce fameux trophée Hart. Qu'est-ce que c'est l'histoire derrière le trophée Hart? On commençait l'émission avec ça. Ben, moi, je trouve les descendants des Hart, ceux que je connais, en tout cas, tous passionnants. Ils ont une curiosité, parce que j'en ai rencontré plusieurs. Un jour, Lawrence Hart, qui était professeur à McGill, m'avait invité au club pour je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Et puis, la deuxième ou troisième fois qu'il m'a invité, là, j'ai compris qu'il voulait savoir une chose, c'était quels étaient ses ancêtres. Parce que à cause de Moses Hart, ben, c'est vraiment difficile à suivre. Et dans le cas de Cecil Hart, qui est à l'origine du trophée, Moses a d'abord marié sa cousine. Et ça n'a pas fonctionné. Mais pendant qu'il était marié, il y a eu un enfant en dehors du mariage. Mais cet enfant-là a donné à Alexander Thomas Hart, qui était né d'une mère non-juive. Donc lui-même n'était pas juif. Mais il va marier une cousine, Vivian Hart. Donc, en mariant sa cousine, qui est d'origine juive, ses descendants vont redevenir juifs. Mm-hmm. Et c'est une des plus belles, sinon la plus belle branche de descendants de Aaron Hart. Et parmi eux autres, il y a la famille du gérant du Canadien, qui a gagné une coupe de Coupe Stanley, d'ailleurs, je pense. Ouais. Donc, c'est celle qui va être gérant, entraîneur du Canadien. Ouais. Et son père va créer ce trophée-là. Oui. Denis Vaugeois, c'était fascinant. Merci infiniment de vous être déplacé en studio. Je vous en prie. Un grand plaisir. L'historien Denis Vaugeois, qui est aussi président des éditions du Septentrion, auteur de l'ouvrage « Les premiers Juifs d'Amérique 1760-1860, l'extraordinaire histoire de la famille Hart » qui est publiée à votre maison d'édition. Monsieur Vaugeois, merci encore. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Fontaine. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.